mes amis. Oui. Quelle horreur. Quoi donc? Depuis que je me suis fait tondre vendredi dernier. Oui, je fais ça tous les ans en hommage à ma mère qui avait lancé la mode des cheveux courts à la libération de Paris. Eh ben, cette année, il s'est passé quelque chose de différent. J'étais en train de détraîner ma nouvelle coupe en me promenant sur les bords de Seine. Mmh. J'avais mis mon short en cuir, oui. Mon Marcel en lycra fuchsia. Quand d'un seul coup, un type vient vers moi et me dit... T'as du feu? Oui, voilà. Merci. Tu veux que je te paye un verre? Ah, avec plaisir. Voilà qui est très courtois de votre part. Ah. Et puis, on a été dans un bar que je connaissais pas et qui s'appelle très sobrement le Fion qui couine. Eh ben, je peux vous dire, il y avait de l'ambiance dans le salon de thé. Good evening to everybody in the house. Chouette ici. T'es déjà venu? Non, c'est la première fois. Oh, mais j'aime beaucoup. Tu bois quoi? Un schnapps au schnapps, s'il te plaît. Embrasse-moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous partez déjà? On se fait la bise? J'ai envie. Oh, moi aussi j'ai envie, j'en peux plus. J'ai une de ces soifs. Qu'est-ce qu'il fout le barman avec ses verres? J'ai envie de te tasser la charrette à fumier. Vous êtes agriculteur. Je me disais aussi, la salope est en cuir, les gros biceps, les cheveux courts, la moustache. Ah, il doit faire souvent travailler son corps, cet homme-là. Vous donnez beaucoup de votre personne, je ne me trompe pas. Assez pour donner, je donne. Tourne-toi. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui m'appelle? Et c'est au moment où je me suis retourné que j'ai vu Zouzou en train de danser tout nu sur une espèce de podium. En une demi-seconde, tout est devenu clair dans mon esprit. J'étais dans un bar des amis de la braguetaille. 5 secondes plus tard, j'étais dehors. J'ai failli y passer, mes amis. Non, parce que moi, le challenge de la marmotte géante qui rentre au terrier. J'ai rien contre. Je suis pas prêt, c'est tout. Bon, je vous laisse. Je vais aller me laisser pousser les cheveux. Auf Wiedersehen.